Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolene Ruet jusqu'à 4 heures. Enchantée, cher Crowd, cher auditeur. Si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, je te le confirme. Oui, je critique la foule. Je l'observe. Je l'aime beaucoup, la foule. Alors, je la regarde avec des yeux remplis d'attention, d'amour et de compréhension. Et je crois qu'il y en avait également beaucoup durant le spectacle de Tania Tagac dans le cadre du Festival de jazz de Montréal. Festival international de jazz de Montréal, devrais-je dire. Ça avait lieu vendredi dernier au Club Soda. Et je suis vraiment, vraiment, vraiment, et je veux dire encore une fois, vraiment très, très heureuse d'avoir assisté à ce spectacle que je me suis dit, oh, à Critique de Crowd, pour les habitués, oui, j'aime bien quand ça s'énerve, quand ça bouge, quand il y a de l'action, mais quand c'est assis et tranquille, j'ai un petit, ouh, j'ai une petite crainte. Mais je crois que c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Alors, je suis bien heureuse de pouvoir vous rapporter le tout sur les ondes de CI. ISM. Et j'ai aussi l'occasion de, oui, visiter le festival extérieur. Et j'ai vu bien brièvement, mais tout autant apprécié Pat Thomas. Et aïe, aïe, aïe, là, va pas falloir trop que je jase, parce que j'en ai long à dire sur le bord chez Françoise. Il y a, il y a de la magie partout, et particulièrement chez Françoise. Sinon, ben, on va commencer en musique avec le groupe Couteau qui a sorti dernièrement un EP qui s'appelle Sharp. On va écouter la chanson Zéro Mata Zéro. Et avant de, mon Dieu, être dans cet élan de festival de jazz, j'ai une demande spéciale d'auditeur, fait que je vous reviens là-dessus dans pas long. On y va, Couteau, allons-y. Je pars, je me lève, je reste assis. Je vis juste pour le dos, je me redresse. Bouger, j'en prends les écrans, c'est qui replie. De La Marge et vous écoutez Critique de Crowd. Et oui, je vous ai dit, demande spéciale. Parce que plusieurs fois, oui, je vous le dis, cher auditeur, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez vos propres critiques de Crowd à rapporter. Et ce fut le cas pour spectacle qui, puis-je me permettre l'expression, a fait couler beaucoup d'encre. Bah, en tout cas, sur mes réseaux sociaux, à moins, quand même, ça s'est partagé. Le spectacle des Ghouls, oui, ils étaient avec Lisa Leblanc et les Cowboys Fringants, mais je dirais le spectacle des Ghouls aux plaines durant le Festival d'été de Québec parce que... Je ris parce que je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui n'était pas habitué et qui était plutôt en train de découvrir les ghouls, comme de fait. Grande mention des couilles du claviériste quand il a fait son solo et peut-être de l'énervement en général. Mais cette fois-ci, c'est ça, c'est un auditeur qui m'a dit « Jolène! Jolène! Parle-nous du spectacle! » Mais là, je n'y étais pas, alors je ne peux que me fier à ces merveilleuses paroles. Et oui, je me sens drôle parce que je pense que la dernière fois que je suis allée au festival d'été, ça doit faire comme au-dessus de 10 ans. Puis bon, ça, c'est pas... ben, pas que je suis pas fière, là, mais la dernière fois que je suis allée au festival d'été de Québec, je pense que j'ai vu Billy Talent. Ouais, là, ça date! Alors vraiment, quand je dis je me rapporte aux paroles des autres, c'est parce que, oui, comme de fait, ça longtemps que j'ai pas visité cet événement. Et... malgré, que c'est peut-être que ça a suscité beaucoup d'intérêt médiatique dans la foule. Je crois que les fans des Ghouls étaient tout à fait présents parce qu'on m'a dit que ça trashait, ça criait, ça tripait bien raide. Et pour avoir pété mon nez, oui, bien cassé à leur lancement, je peux le confirmer, les fans des Ghouls sont intenses, mais intenses avec des majuscules. Ça abolit ce fait. Et ça a fait un certain clash avec les fans des Cowboys fringants qui étaient en avant, à la fois... peut-être juste dans une grande incompréhension ou juste fascinée par le trash autour d'eux. Et je dis que je suis surprise et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir les commentaires. Je suis persuadée qu'en ce moment, il y a quelqu'un qui écoute et qui était aussi au spectacle parce que, justement, il y a 10 ans, j'écoutais aussi les Cowboys puis il me semble que j'allais dans les shows puis ça trashait puis très, très festif aussi comme trash. Fait, je suis quand même surprise qu'il y en a qui pouvaient être dans une certaine forme d'incompréhension par rapport au mouvement de foule. Ouais, ouais! Mais je ne me fie qu'aux paroles d'un auditeur. Et je sais que tu as raison parce que tu as des bons yeux, parce que tu écoutes Critique de Crowd et tu analyses avec autant d'amour et de justesse. Alors voilà, j'aimerais bien, ouais, je suis curieuse parce que la foule est immensément grande sur les plaines. C'est clair qu'il y a différents points de vue sur la même situation. Alors Facebook, c'est bien bon pour écrire des commentaires. Fais ça, drette là ou durant, après l'émission. Ça va me faire bien, bien plaisir de te lire. Et justement, à parler des ghouls, je crois que c'est la moindre des choses d'en diffuser. Et j'ai bien décidé de vous mettre une chanson de Coma qui s'appelle « Fermez vos gueules ». Comme vous aurez bien déduit, oui, oui, c'était bien. Fermez vos gueules des ghouls à Critique de Crowd. Ah, souvent, je dis émission spéciale. Ben ouais, alors émission spéciale Festival international de jazz de Montréal où je n'ai qu'assisté au spectacle de Tania Tagak en salle au Club Soda. Je dis le seul parce que... je m'en veux. Ça vient de finir. Puis déjà, je m'en veux de pas en avoir autant profité. Mauvais timing. Ouais, complètement. Très, très mauvais timing. Je crois que c'est le manque de temps libre. J'avais envie de butiner, butiner, me promener librement. Oui, quelque chose d'un peu aérien, un peu sans souci, tranquillement, doucement, dans les rues de Montréal, sur la place des festivals. Ouais, je filais comme ça et je l'ai fait un petit brin, avant le spectacle de Tania, justement. Et c'est pas pour rien que je vous dis que cette envie de tout simplement me promener dans le festival, juste comme arrêter à une salle, puis à une scène plutôt, puis pouvoir, découvrir un artiste. Puis je pense que je le fais peut-être plus facilement ou spontanément durant les francopholies, mais ça doit être parce qu'il y a un certain sentiment, j'allais dire d'appartenance, mais c'est pas le bon mot, un sentiment familial par rapport au festival de jazz qui en est à sa 38e édition. Et je me souviens quand j'étais plus jeune, petite, encore plus petite qu'en ce moment. Et mon père, il me disait souvent, « Ah ouais, on pourrait faire ça, parce que moi, je viens de région, puis quand on allait à Montréal, tu sais, c'est une grosse sortie. On allait à la Ronde, ou on allait à un festival, justement, les Franco. J'en garde le souvenir d'avoir vu Beau Dommage, tu sais, dans les rues. C'était encore sur Saint-Denis? Ça se peut-tu? » Non, je pense que c'était encore... C'était récemment à la place des festivals Mémoire, quand tu nous joues des tours. Mais reste que oui, il y avait beaucoup cette idée-là, quand mon père en parlait, de « Ah oui, on va aller durant le festival de jazz, parce que là, Montréal a toute une autre ambiance. » Tu sais, tout Montréal est jazzy quand c'est le festival de jazz. Tu sais, il y avait un peu l'esprit de « Ah ouais, juste se promener dans les rues de Saint-Denis, justement, bouquiner, aller voir, juste se promener. » Et surtout, profiter, comme si c'était très aérien, profiter de l'ambiance du festival de jazz. Et je sais pas à quel point je l'ai véritablement vécu, tu sais. J'ai pas un souvenir hyper concret. Peut-être que j'étais trop petite, je pourrais pas dire, là, mais j'ai pas un souvenir concret de « Ah oh oui, je me souviens quand je me promenais comme ça, comme une vraie touriste. » Ouais, ça doit être surtout ce point-là. Et de vivre ainsi mon festival de jazz. Mais il y a quelque chose à la page 18. Hey, que c'est pas précis, hein? Là, c'est le moment de bruitage. Oh, ben oui, du gros cahier qui annonçait tous les spectacles du festival de jazz. Et comme mot du président, directeur général, ça, c'était carrément ça. Je vais vous le lire. Faisons une petite lecture de ces paroles. Magnifique formule, en effet, créée par Alain Simard en collaboration avec André Ménard, Denise McCann et Alain de Grosbois, que cet événement d'animation urbaine comportant un important volet de gratuité. Une formule qui a contribué à forger le visage, l'image et l'ambiance de Montréal, qui a rassemblé des centaines de milliers de personnes en pleine ville dans un esprit convivial, paisible et festif, sans autre volonté que celle de profiter de la vie et de la musique. C'est en soi un véritable tour de force. Et ouais, je crois que les meilleurs mots que ça que je vous ai dit, mais vraiment, je trouve que c'est ça le festival de jazz, puis ça se confirme encore d'année en année. Je trouve ça très beau qu'on soit. Je sais que c'était en 2004, le livre des records Guinness avait marqué qu'on était le festival le plus gros, le plus achalandé comme festival de jazz au monde. On a été détrônés après 2004. Je regarde pas toutes les éditions du Guinness, mais je trouve que oui, il y a cette place-là de curiosité, d'ouverture qu'amène le festival. Oui, aussi, tous les autres festivals extérieurs, finalement, c'est la gratuité qui amène cette possibilité-là, mais je trouve que ça... Oui, ça va avec mes souvenirs d'enfance, mais je trouve que ça se confirme encore plus avec cet événement-ci, qui est tout en variété, il faut le mentionner, hein, parce que je vais vous mettre du Monkey, et il était comme de fait sur la programmation du festival de jazz. Et oui, aussi parce que les rappeurs étaient bien à l'honneur. Je n'y étais pas, mais paraît-il que le spectacle d'Anderson .Paak était, oui, court, mais fort, fort excellent. Et on va aller écouter Monkey, Colonisation. Monsieur policier, hey, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? La révolution est commencée, hey, vas-tu tirer sur un de tes frères? Monsieur policier, hey, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? La révolution est commencée, hey, vas-tu tirer sur un de tes frères? Le savoir est une arme. Est une arme. Yeah. il faut être con en salle pour mettre des lions en cage. Une Coca-Colanisation qui a mis ce monde en mal. Ha! Et garde les pions dans crasse. Chair à canon dans le bataillon, après on te remplace. Yeah, yeah. Le démon t'embrasse, il te vole ton sol et te propose du poison à place. Écoute le grand pour une coupe de grammes, donne-moi ton 100 piastres. Nos frigos sont vides, mais leurs prisons sont packed. César à ta porte capote, donne-y donc son cash. Vol institutionnalisé que nous appelons taxe. Il viole la terre mère et demande que tu gardes ton calme. Fuck that, gun clap, sur eux je braque mon arme. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. Wadada, wadada, wadada, denga. On fait des efforts, yeah, we get involved. Malgré tout, nos cultures sont dépouillées de ses trésors. Baby boom est confortable, joli Québec d'or. Sédatif, médiatique, shout out à Québécois. Clic, clic, bra, bra, pour chasser les lézards. On veut compter nos vies, au lieu de compter les morts. Black on black, le crack, plus ceux qu'ont tué les porcs. Depuis Kim K, Ultra et Quo N, tels ont changé le décor. Attention, les méchants musulmans feront tout sauter. Mais comme d'habitude, White Jesus va nous sauver. Mensonges de tous côtés, mais ils veulent que je garde mon calme. Fuck that! Gun clap sur eux, je braque mon arme. Wadada, wadada, wadada, denga. Sans peur, sans mal, sans bruit, sans fin. Elle qui n'a jamais souri, n'a jamais souri. jamais soif. Et qui n'ont jamais faim. Jamais faim. Le monde est abstrait. Le mot guerre est obscène. Vous avez entendu Coyote Bill avec la chanson Les Martiens. Et vous avez aussi entendu Coca, colonisation de Monkey. Et sinon, en ce moment, y a-tu pas du beat derrière moi? Ben oui, c'est Pat Thomas and the Cash Weeboo Aria Band. Je vous en reparlerai parce que oui, il était en spectacle sur la grande scène TD. Et qui dit festival dit fouillage! Dit de même. Non, mais oh, je m'étais promis et je tiens pas toujours mes promesses. Wow, c'est une belle confession sur les ondes de la marche. Non, mais pour de vrai, je m'étais promis à moi-même de regarder les règlements sur les fouilles de sacs dans les festivals. J'avoue que comme googlage, j'étais un peu nébuleux, là, fait que j'ai abandonné. Reste que c'est toujours, surtout Franco, festival de jazz, c'est assez relax, tu sais. Ils disent « ouvre ton sac », ils font « ouais ». Ça a l'air beau, vas-y, amuse-toi. Tu sais, sont mollo, parce que le monde sont mollo aussi. C'est juste que je compare avec le fouillage de sac à, je sais pas, moi, je dis ça de même, l'île Sonic. Ah! Tu sais, quand ils fouillent jusqu'à l'intérieur de ton portefeuille. Ouais. Mais en même temps, je comprends aussi, disons, la volonté de pas amener certains produits illicites et illégaux sur certains terrains. Ah, oui, bien effectivement. C'est juste que je me semble que de ce que j'avais su sur les fouilles de sac, c'était genre, ils ont le droit de le tenter, ils ont pas le droit de fouiller eux à l'intérieur, mais ils peuvent te demander de toi sortir tes affaires. Reste que je trouve qu'on est en pleine saison des festivals et qu'on est dans une grande zone grise sur le sujet, fait que, ouais, ce serait intéressant. D'ici la fin de la saison, je te le promets pas, comme je te dis, ça se peut que je l'oublie, mais moi, essayer fort, fort de le faire. Alors, sur ça, sur la fouille réglementaire qui est tout à fait simple, je suis accueillie par une pole dancer. Là, j'ai déjà gère, là, dit de même, elle m'a pas accueillie, mais il reste qu'il y avait un spectacle de pole dance en plein milieu de la place des festivals. Je trouvais que ça faisait un peu plus juste pour elle. Peut-être que festival de jazz, je me rappelais plus qu'il y avait plein de petits événements à l'intérieur même du festival. Sympathique, en tout cas, les gens avaient l'air bien heureux, ça applaudit, c'est content. Et ouais, vraiment, il y a comme une ambiance différente aussi sur les installations, tu sais, comme un kiosque de dégustation de fromage puis de chocolat noir. Ah ouais, là, c'est... Encore une fois, je me sentais pas à l'île Sonic, ça, c'est sûr. Mais ouais, il y a quand même déjà bien des différences sur bien des festivals, je trouve. On voit que la clientèle est ciblée, il y a quelque chose de familial. La preuve, autre chose qui m'est arrivée direct en rentrant sur le site, c'est une photo de famille en plein milieu de la rue. Tout le monde s'installe, pas une petite famille, là. Ils sont genre 5-6, là. Il y a mon oncle, ma tante, tel petit enfant. Puis là, ils prennent toute la place, prendre une photo de famille. Fait, déjà, je me suis dit, je l'aurais pas jasé, mais clairement, oui, c'est... Ben, à mon tu je me sens préjugé. Mais oui, ça va l'air clairement des touristes venus de l'extérieur. Tu sais, c'est rare qu'en famille, on se dit, « Hey, tout le monde, on prend tout... Oh, » Tape le trottoir, en way dans la rue prendre la photo. On a besoin d'espace. Ce moment est incommensurable. Il faut le garder souvenir en prenant une photo. Fait que moi, reste que je trouve ça super adorable. Fait que je suis bien heureuse de me tasser pour une photo de famille. Et oui, la crowd est adorable. Déjà, elle est belle. Les madames font des petits moves de salsa. Moi, j'aime ça. La femme indépendante qui danse pour elle et qui danse souvent seule, même si elle est accompagnée parce qu'elle, elle a envie de danser. Et très colorée aussi, la foule, dans leurs beaux chemisiers et chemises exotiques de motifs et de couleurs et qui s'agence. Et là, j'ai été un peu surprise de croiser un couple relativement jeune qui, je sais pas s'ils ont fait exprès, J'espère que oui. Non, j'espère pas. Je sais pas. Mais vraiment, il s'agençait. Pas identique, mais les couleurs fitaient, les motifs correspondaient. Ah oui, il y avait quelque chose de beau. C'était beau, là. C'était beau. J'aimais ça. C'est juste que... Ça, c'est très personnel, mais... Récemment, avec ma mère, on a fait pas le ménage de ses garde-robes, là, mais tu sais, fouille dans les vieilles affaires. Puis là, on est comme, oh mon Dieu, Jalène, regarde cette chemise très hippie avec des broderies qu'elle a faites elle-même à la main. C'est vraiment incroyable. La chemise au complet est faite maison, là. Et elle est orange avec des fleurs. C'est très flash, c'est très beau. Mais c'est le moment où j'ai capoté parce que mon père avait la même. Oui, il avait fait un kit en deux. Fait que. Et là, c'est là que ma mère m'a dit, ben oui, mais Jolene, c'était à mode dans le temps, fallait s'agencer, tu sais, t'en coupe, faut fitter, t'en coupe, chemise à deux. Là, eux autres, ils sortaient à deux avec des chemises identiques fleuries. Je trouvais ça comme vraiment, c'est vrai que je trouve ça très, très cute, mais c'est le moment triste que j'y ai dit, mais maman, je connais personne qui fait ça juste à temps que je vois ce couple-là. Là, j'ai commencé à avoir des doutes, et en même temps, oh, ouais, je trouvais ça cute. Ça me prend pas grand-chose d'être attendrie, vous me direz. Ah, peut-être. Parce que oui, la folie, elle est paisible. C'est mollo. Il y a quelque chose de très cool comme ambiance. C'est sûrement Pat. Pat et sa merveilleuse musique. Tu sais, tu peux pas être en colère non plus en étant à ce show-là, tu sais, va dire. Mais oui, c'était tranquille parce que ça bougeait pas vraiment. Juste à temps que notre merveilleux Pat, et là, pour tous ceux qui le connaissaient pas, tout comme moi, avant son spectacle, Pat Thomas, c'est un pionnier de l'afrobeat. Alors, c'est même, ça faisait des années qu'il avait rien fait. Puis c'est en 2015, compagnie disque a dit « Hey, sors du silence, on te veut! » Et là, il est reparti pour la gloire depuis 2015. Et quand il s'est adressé à la foule, il était comme « Hey, est-ce que vous pouvez danser? » Le monde a fait « Ouais! » Il était comme « Ben allez-y! » Et là, quand la musique a commencé, ça a été vraiment un mouvement collectif. Tout le monde s'est mis à « Ouais! » Quelque chose qui virevolte. Danser, non, parce que c'était plus beau. C'était pas mou, là. Ça mouvotait. Ah ouais, tu sais, juste plus que s'ambiancer. Il y a vraiment une volonté de danser, mais hyper léger. Encore une fois, je dis le festival de jazz, il y a quelque chose d'aérien, mais ça se reconfirme même dans la danse de cette foule. Ouais, je le redis, mais paisible. C'est vraiment comme t'arrives, c'est mollo. Il y a plein de place, t'as pas besoin de te déplacer difficilement dans la foule. Vraiment fluide là-dessus, les déplacements sont super simples. Fait que ça a été, mon Dieu, une grande découverte, mais je suis bien heureuse que Pat Thomas était juste avant Tania Tagaq, puisque oui, je m'en vais au Club Soda. Sur ce, ben oui, Tania Tagaq, je vais bien être heureuse de vous en rapporter une performance incroyable, mais tout ça, ce sera après les publicités. À tout de suite. CISM présente la série Urban Africa. Pop métissé et pop percussif, rock exotique, cette série déconstruit les mythes et interpelle les plus branchés. Au programme, ne manquez pas à la Sala Rossa le 15 juillet, les rythmes R&B, hip-hop et rocksteady de Keyson. Le 17 juillet, le groupe punk malgache de Dizzy Brains, qui fait sensation partout où il passe. La série Urban Africa, une présentation de CISM. Découvrez la programmation détaillée sur lesnuitsdafrique.com. Bonjour, je m'appelle Charlie Pouliche. Vous m'avez sûrement déjà entendu dans d'autres publicités telles que CISM, c'est ben cool, et les bartendes, y est bière, miau fun. L'été approche, et quoi de mieux que de nouvelles sorties de disques? Ça tombe bien parce que Slam Disc a de belles nouveautés à vous proposer. Courez sur l'Internet pour vous procurer Lead, le nouvel album double de Smash Hit Combo. Appelez vos amis pour célébrer la sortie de Rippé Rock l'Univers, le plus récent EP de Rippé. Et finalement, annulez tous vos rendez-vous et allez vous procurer le EP Déballer le présent extra de Noé Talbot. Enlevez votre linge et soyez énervés car toutes ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Yay! Yeah!

Fred Fortin sur les zones de la marge et vous écoutez toujours Critique de Crowd avec Jolene Ruet. Et vous avez aussi entendu, ben oui, je viens de le dire, Fred Fortin, mais vous l'avez aussi entendu parce que, hein, je suis dadon, parce qu'à soir, il fait le show de Ruelle dans Hochelaga Maisonneuve. La Ruelle, c'est la Ruelle Gaboury, sache-le, parce qu'il y en a quand même pas mal dans Montréal et aussi dans Hochelaga Maisonneuve. Mais oui, suggestion de spectacle parce que de la crowd, je vous en parle, mais c'est aussi bien le fun d'être dedans. Et ce soir, il y a aussi Navet Confit qui va jouer au Quai des Brumes. Ce soir, il y a également, parce qu'il y a bien du choix, il y a bien des shows ces temps-ci, hein, c'est l'été, Amadou et Mariam dans le cadre du Festival international des Nuits d'Afrique. Ça se passe au Métropolis et à les avoir vus en spectacle, Amadou et Mariam, ça va être un spectacle rempli d'amour et de quiétude. Allez-y, vous allez en sortir bien heureux. Vendredi, ah, les punks, j'espère que tu vas me ramener ta critique de crowd pour les Ordures Ioniques qui viennent de sortir un album et ils jouent en première partie des Salles Majestés qui vont jouer au Foufoune Électrique. Samedi, Robert sera au New Speak et samedi également, il y aura Exit Someone, Radiant Baby, Venus, Opal au Marché des Possibles. Dimanche, je t'en ai parlé la semaine dernière à Crowd parce que j'ai vraiment envie de te voir la face, fait que c'est pour ça qu'il fallait que tu le mettes à ton agenda. C'était le genre à prévoir tes moments de divertissement et de loisirs et de crowd à la dernière minute. Mais sache-le, dimanche, CISM sera au pique-nique électronique. On risque d'amener un jeu de poche. Ça, c'est un gros argument pour se présenter. Et sinon, il y a de la bonne musique, du gazon, un nouveau site. Je vous en reparle la semaine prochaine. Lundi, ah, j'avoue, je les connaissais pas, mais maintenant, je suis quand même assez excitée. Je vais être au spectacle. C'est Dizzy Brains, encore une fois organisé par le Festival international des Nuits d'Afrique. Et c'est un groupe de punk garage malgache. Ils vont jouer à la Sala Rossa. J'ai hâte de voir le trash, j'ai hâte de voir comment ça va s'énerver, je suis bien excitée. Et attention, peut-être que tu pourras avoir une paire de billets, je dis ça de même, attention. Mardi, Wesley Benn va jouer au parc Wilfred Pelletier. Mercredi, c'est tellement pas CISM, je trouve, comme suggestion, mais bon, c'est genre mercredi mainstream, je pense que ça va être ça thématique. C'est Ed Sheeran qui va être au Centre Bell, sinon mercredi, Metallica Avenged Sevenfold Bold Beat au Parc Jean Drapeau. Et c'est vraiment, j'allais dire, c'est vraiment pas pour être négative, mais oui, complètement. Je l'assume. Je pense que c'est une des pires crowds que j'ai vues au festival. C'était à Évée, Montréal, puis la crowd était plate, puis ils me laissaient pas sortir. Tu sais, genre, j'étais tannée, là, j'étais fatiguée. Ils voulaient même pas que je sorte de la crowd. Je suis comme, non, je te vole pas ta place. Fait que j'avoue que j'ai eu une très mauvaise expérience, mais en tant que fan de Metallica, j'aimerais bien que tu me rapportes ta critique de crowd, cher auditeur. Je suis certaine qu'il y en a qui vont me dire que c'est un show malade. Et que la crowd est-elle fun. Sur ça, ben oui, je te tease pour rien. J'ai une paire de billets à faire tirer pour Dizzy Brains. Viens avec moi à la Sala Rossa. Alors, appelle au 514-343-2476. Tu vas gagner une merveilleuse paire pour ce show de punk garage Dizzy Brains. Sur ça, on va continuer en musique avec les merveilleuses chansons du palmarès francophone. Peau sur le lait, le diable comme l'outil. Et ce sera suivi de Fetnat Troscops. gun, off only not right. On catch the shine, on pause him in a gun, on can put, cause we're glad. Powered up, got to go. Gals on phone, I'm on the gallon. Sur les ondes de la marge avec la chanson Trust Cops sur leur album qui s'appelle Gowler. Et vous avez aussi entendu Le Diable comme l'outil pot sur le lait sur l'album Anémie 61 qui sont respectivement 19e et 6e position du palmarès. Pour toutes les autres, CISM 893.ca. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui... Oui, comme disait, toutes les émissions sont spéciales. Alors, j'ai quasiment envie, j'ai dit oui, festival de jazz spécial, mais oh, spécial Tania, parce qu'elle est tout à fait unique. Et en même temps, tu vois, c'est le moment où je suis obligée de me sentir hyper cheap puis de dire que j'ai failli hésiter. Là, c'est un peu ambigu, hein? J'ai failli hésiter. Ouais, non, j'étais convaincue, j'avais le billet, je vais voir Tania, je l'avais toujours pas vu en spectacle. Et en même temps, ah, timing, trop de festivals, Montréal, et dépasser Montréal, puisque c'était le festival Diapason en même temps. Il y avait Lesbos-Vrouvren, nouvelle aussi composition du festival, avec incluant des, je sais pas, il y avait du ponton, en tout cas, puis ah, un bingo, pas possible. Sur ce, vous pouvez aller écouter la balado-diffusion des Criqué Crinqué, Jeff Rioux et moi, parce que des fois, je m'invite à la dernière minute à son émission quand il sait pas quoi dire pendant les dernières minutes de micro. C'est ça, les dessous de la radio. Ben, on a jasé du Festival Diapason et bref, ça a l'air que c'était bien compliqué le bingo, mais j'étais curieuse. Bingo bière, hey, c'est de la magie, tout ça, Laval, c'est quand même sympathique. Oh, et comme c'est exotique sortir de la grande ville. Mais non! Il fallait que j'y sois et je suis bien heureuse de m'être écoutée parce que c'est un spectacle incroyable. Là, pour tous ceux qui la connaissent pas, ben oui, c'est une chanteuse de chant de gorge et qui cherche surtout à repousser les limites de l'émotion et d'exprimer un instinct primitif. Ah, il y a quelque chose qui dépasse le corps dans sa musique. C'est intense. Je suis intense en parler. Je suis déjà exubérante juste à comme faire « Waouh, c'était malade! » Fait que je crois que ça vaut mieux que tout. Les définitions que je pourrais faire sur son genre. De toute façon, on va en écouter plus tôt. Mais non, je ne suis pas une fan de longue date parce que, oui, je l'ai découvert avec quand elle a gagné le prix de la musique Polaris en 2014. Elle est même, encore une fois, sur la courte liste du Polaris cette année. Et c'est quand même un bout là, qu'elle joue. Elle est active depuis 2002, mais son premier album, c'est 2005. Et je me dis que j'ai encore des petites croûtes à manger sur tous ses albums parce que c'est pas le genre de truc que, ben, oui, j'en écoutais dans le métro, mais non, tu t'écoutes pas du Tania Tagaq en faisant le ménage, certain, là. J'y pense, mais je trouve ça complètement absurde. Tu sais, il faut vraiment être dans une ambiance pour le profiter pleinement. Puis je crois qu'en spectacle, c'est la meilleure occasion. C'est clair. Mais ça, je suis pas encore au courant parce que je suis un beau vendredi soir après avoir vécu un beau moment d'afrobeat. Et là, je suis devant le Club Soda, une longue file. Puis j'étais quand même étonnée parce que j'arrive 10 minutes avant le début du spectacle. Du moins, celle qui est annoncée, 22h. Tu sais, tard. Ton post-tard, mettons pareil, petit Club Soda. Mais c'est parce qu'il faut dire qu'il y avait Morgan James à 18h et Montréal, je trouve pas que c'est une ville qui est en avoir des doubles shows là, dans une même salle. Je crois qu'on a assez justement de salles de spectacle à Montréal pour pas nécessairement ou pas très souvent double booker. Mais cette fois-ci, c'est le cas. Faut bien que ça fasse le ménage, que ce soit un peu propre à l'intérieur. Fait que pendant que je fais tous ces constats-là, comme « Ah, il y a une file! Ah, la porte est fermée! Ah, il y avait deux spectacles! » J'entends « Jolene! » Dans la file, quelqu'un complètement en avant. Ben oui, une amie de crowd. Amie de crowd, je te remercie. Parce que je me suis complètement invitée avec toi. J'étais comme, hey, t'es bonne en avant. Oui, je m'excuse à tous les gens. J'ai vraiment dépassé tout le monde, mais ça va avoir une grande incidence sur ma critique de crowd parce que j'étais pas juste en avant dans la file. Grâce à lui, j'ai été carrément en avant au spectacle, première table. Alors, sur ce, contre toute attente, c'est quasiment un jeu de mots, mais c'est aussi un fest. Contre toute attente, j'étais pas mal en avant puis c'était pas dû. Alors, c'est une chanson aussi de Stéréosaure. Pour ma joie. contre toute attente des stéréosaures. Et vous écoutez toujours la critique de Crowd sur les ondes de CISM. Et me voilà à l'intérieur du Club Soda pour voir Tania Tagac, qui, ouais, le spectacle est annoncé à 10h. Je crois que ça a peut-être commencé à 10h30. Je ne pourrais pas vous dire. Une certaine attente dans cette version tout à fait cabaret du Club Soda. Ça fait pas souvent que je te vois de même club. Ben oui, d'habitude... J'allais dire, je la vois pas toujours pleine, mais cette fois-ci, avec ces grandes tables rondes, oui, ça crowdait assez bien. Merci. Je vous dirais, la dernière fois que j'ai vu le Club Soda en version cabaret, c'était au festival burlesque. Oui, ça amène quelque chose de... J'ai juste le mot propre en tête, là, parce que c'est pas non plus comme la grosse classe, là, mais... un aspect un peu plus sérieux. Vous voyez, j'ai pas tant les mots parce que... T'sais, on aurait pu mettre juste des chaises puis mettre ça tout bien en ligne. Parce que je sais, il me semble que c'est l'année dernière qu'elle a fait la Place des Arts. Ben, je crois que ça revient un peu au même au final, et je vais te gâcher un peu le punch, chers auditeurs, mais on s'en fout un peu de la crowd, puis je pense qu'on s'en fout un peu de comment on est placé, parce que on est juste concentré et carrément omnibulé par la performance, fait que ouais, être assis, c'est pratique, tant mieux, on dirait, pour de vrai, on dirait que c'est comme, c'est drôle, mais il semble la façon qu'on est placé, comment on va être confortable ou non, ou comment on est positionné dans la foule, ça a un impact. Ah, mais justement, la façon qu'on va être placé, ça en a toute une. Comme je vous ai dit, je suis complètement collée à la scène. Vraiment, à deux pouces, là, vraiment. Vraiment, vraiment. Elle est un peu haute, fait que c'est sûr que dans ma petitesse, je lève un peu la tête, mais autrement, je pourrais pas être plus proche. Mais justement, comme critique de crowd, ben, je me disais, hey boy, ça va être tough de checker la foule. Mais... Même avant le spectacle, je l'observe et j'ai pas tant de choses à dire. Tu vois, quand j'hésitais dans le mot propre, parce qu'elle était pas habillée chic, elle était en tenue de ville, mais pas trop, je sais pas, c'était pas... Tout le monde était propre, neutre, crowd, mi-trentaine, plus ou moins. Il y avait pas de décor type grand dans l'âge, ni non plus une moyenne si marquante. Une foule neutre, ça se peut-tu, ça existe-tu? Une foule qui me laisse neutre, en tout cas. Mais pour l'instant, parce que, ouais, c'est bizarre, hein? Une foule qui me laisse neutre, c'est bizarre, ça, pour un spectacle qui me fait pas du tout cet effet-là. Étrange, étrange. Reste que dans la salle, oui, il y a de la crowd, mais il y en aura aussi sur scène, puisque Tania sera accompagnée d'un chœur et de musiciens. Ils arrivent tous ensemble en même temps. Je pense que le chœur est arrivé en premier. L'éclairage était encore dans la salle. Et oui, il s'installe. Tania qui arrive avec un timide hello. Très doux, très délicat. Il y a quelque chose de très candide dans la façon qu'elle s'adresse au public qui est tout à fait déroutant, là. On dirait qu'à connaître sa musique et à pas du tout savoir comment elle était scéniquement hors les chansons. Ah ouais, ça m'a quasiment perturbée. Je répète le mot, mais candeur, complètement. Elle dit hello, comme un enfant, d'une douceur. Oui, comme une petite fille. Et il y a quelques personnes dans la foule qui ont répondu hi, salut. C'était quasiment show-off tellement il y avait quelque chose de posé dans la foule. Ou peut-être, encore une fois, le sérieux de la disposition. Je me suis dit, oh mon Dieu, il y en a... Tu sais, en gros, hello! Je me semble que c'est fort, tu sais, par rapport à l'ambiance. Tout était un peu... tout me perturbait. Peut-être que j'étais hyper sensible ce jour-là. Je pourrais pas tant vous l'expliquer. Mais oui, pour moi, il y a quelque chose qui t'étonnait. Reste que... Tania, elle a toute une façon d'être au début. Ça a pris 10 minutes avant qu'elle commence à chanter. Et pendant ces 10 minutes-là, ben oui, là, elle nous a dit bonjour. Elle présente ses musiciens après l'autre. Je me dis, on fait pas ça à la fin du show. Peu importe le décorum, elle nous présente ça dès le début. Ensuite de ça, elle enlève ses souliers parce que c'est des talons hauts puis ils sont fatigants. Ils sont en fourrure de phoque. Fait qu'on parle, oui, de la chasse aux phoques. Je croyais, oui, il y a un moment un peu plus politique. Elle portait une super belle robe rouge avec des broderies en perles sur le bus. Elle nous parle des perles et là, à un moment donné, elle parle, puis après ça, boum, elle dit « OK, on arrête, puis go, on commence. » Comme si elle voyait, tu sais, comme ça fait un petit bout de temps que le show devrait commencer. Je dis « devrait » un peu comme le décorum. Souvent, c'est juste une petite salutation, on embarque la musique, après ça, parle, musique, parle. Et non, Non, on le sait pas encore à ce moment-là, mais ça va être une heure et plus non-stop! Elle ne cesse jamais de chanter, elle, ou à, peut-être à quelques pauses près selon les musiques, mais non, non, non! On dirait que c'est avec le recul tu réalises tout à fait pourquoi le début était lent, parce que justement, c'est le seul moment qu'elle avait pour s'adresser à sa crowd, parce que le reste du temps, c'est tellement une performance prenante que elle fait juste se donner sur scène, comme la relation avec le public est plus... non, c'est plus un rapport de « je te donne de quoi, puis j'attends que tu répondes en retour avec des applaudissements, que tu danses, tu t'amuses ». Il y a vraiment un rapport de purement de performance, et ça, c'est vraiment fascinant. Et je vais vous en parler plus longuement, mais j'ai envie tout de suite qu'on en écoute Tania Tagaq, « Yuja ». Tania Tagaq sur les ondes de CISM avec Ouja sur son avant-dernier album Animisme. Et je trouve que, oui, vocalement, c'est une des chansons où on voit bien la variété. C'est si beau, c'est si beau, c'est si prenant comme musique. Et imaginez, comme pour ceux qui n'ont jamais assisté à un de ces spectacles, c'est comme ça, pendant au-dessus d'une heure, sans arrêt, ça crée toute une atmosphère. Et... non, on n'a pas besoin de la foule parce que c'est un drôle de rapport entre l'artiste et le spectateur. Comme on n'a pas besoin des autres pour apprécier le spectacle, il n'y aura pas... à quoi qu'après ça, on pourrait être surpris, hein? Pas de table, pas de chaise. Quel type de danse, quel type de mouvement on pourrait avoir? Je serais curieuse, vraiment. Parce que là, ça invite à être très attentif, concentré. Et comme de fait, c'est ce qui arrive. Moi, le monde qui buvait leur petit verre, leur petit drink pendant qu'ils checkaient le show, on dirait, j'étais comme, comment ils font pour faire deux choses en même temps? J'avais de la misère à regarder la foule et à pas juste être concentrée sur elle. C'est pour vous dire. Et parce qu'elle a tellement une façon d'être sur scène. Elle était si légère au début du spectacle. Mais elle est si « grounded », tu sais, la puissance vocale qu'elle a et la façon qu'elle a de danser. Elle fait beaucoup de cambré arrière avec ses bras, comment ils sont. Ah oui, elle est comme à la fois une sorcière et une sirène, plus proche de la sirène parce que c'est très gracieux, mais il y a quelque chose d'ensorcelant, non pas sorcière comme maléfique, là, mais vraiment comme ensorcelant, c'est le meilleur mot. Tout le long de la prestation, j'avais juste ce feeling-là. Et je suis pas très spirituelle machin là, dans la vie, mais juste comme si t'es moindrement concentré sur ce type de show-là, tu deviens comme, oh mon Dieu, comme en transe. Il n'y a plus rien d'autre qui existe. Tu sais, ça devient comme un tout. Il y a toi, il y a elle, il y a la musique, ça crée comme une bulle. Puis tu te laisses transporter là-dedans. Puis c'est ça qui fait que c'est beau. C'est là que c'est agréable d'aller à un spectacle, c'est de se sentir ailleurs, de vivre une expérience. Oui, physionomique, parce que, justement, l'esprit de transe, mais en même temps, tu sais, c'est pas ça rien, là, j'ai pas bougé de ma chaise, là, c'était vraiment tranquille. Et elle a tellement, je trouve que ça, c'est ça, sa façon de bouger ses doigts. Des fois, elle met sa main sur son front, on dirait qu'elle est une méduse, comme un mollusque qui sort de la tête. Des fois, elle les met proche de sa bouche, son micro sur le bord, justement, du coin de ses lèvres. Et je sais pas si ça fait une différence sur le son, clairement, là, j'étais curieuse là-dessus, techniquement. Elle tire son micro comme une hardcore, là, avec, tu sais, qu'elle roule le fil de son micro à plusieurs tours autour de son avant-bras. Quelque chose de encore plus féroce, là, encore plus grounded. Et je reviens là-dessus parce que je trouve ça merveilleusement beau que quelqu'un peut être à la fois si léger et si grounded en même temps. Mais il me semble que des fois on fait ah léger, ça fait un peu tu sais, comme s'il fallait nécessairement que ça soit. Comme si c'était deux choses incompatibles. Et merci pour tout ça, Tania, parce que pour moi c'est la preuve que vous pouvez être les deux à la fois dans la vie et même en quelques secondes sur scène, être léger et si accessible et après ça être si. Une force d'esprit surhumaine et incroyable. Je trouve ça beau que ça puisse être tout à la fois. Et oui, je vous parle beaucoup de l'aspect de sa performance et visuelle. Et j'ai été quand même étonnée que plusieurs personnes ferment les yeux. Je suis pas étonnée parce que oui, c'est pour apprécier simplement la musique et se laisser transporter dans son fort intérieur. D'accord. Mais je trouve ça tellement fou comment aller sur scène que je suis comme « What? » T'es en train de manquer à moitié de show, l'ami, ouvre les yeux! Elle, pendant ce temps-là, les yeux qui virent par-dessus bord. Non, mais c'est pas... pour de vrai, on dirait que ses yeux, ils viraient comme à l'envers. OK, ils viraient à l'envers comme le temps de 2 secondes. Elle était pas comme. Elle avait pas l'air de s'auto-ensorceler non plus pendant tout le long du spectacle. Mais oui, intense, ça c'est bien sûr. C'est comme un tourbillon. Au début, tu sais, tu le prends tranquillement, tu l'écoutes, puis après ça, t'es complètement pris par le show. Et le seul truc, puis là, c'est purement technique, et là, c'est tout, oh mon Dieu, mes amis, là, mélomanes de qualité de son. Ah, des fois, ils m'énervent un peu, mais je vous aime tous pareil, là, c'est juste comme, tu sais, c'est le genre de monde qui veulent pas être en avant en spectacle parce que le son est pas si beau qu'à côté de la console. Ah, ben c'est qui trash à côté de la console, personne, le fun est en avant. Mais cette fois-ci, j'étais tellement en avant que pour ces chants qui étaient plus bas, plus délicats, oui, je les manquais. Ou quand les moments musicaux étaient plus intenses, oui, j'ai perdu du son. Puis c'est là que je me suis dit, ah, maudit, mes amis mélomanes qui arrêtent pas de me dire, le meilleur son est à côté de la console. Ben oui, je le réalisais là en ce moment. J'étais comme, ah ouais, si j'étais au centre dans la salle, ça aurait vraiment une incidence sur mon appréciation du spectacle et peut-être aussi mon appréciation dans la foule parce que, étant donné que j'étais en avant pour avoir une petite observation crowd-in, ben oui, je me retournais un petit peu, tandis que là, ça aurait été moins nécessaire. Ça, c'est sûr que ça a un impact, notre position dans la salle, mais bon, je vous dirais que le fait d'être aussi proche d'elle valait beaucoup plus que ces petits moments que j'ai perdus, question son. Et pour moi, ça me rappelle un peu le spectacle de Sun au Théâtre Fairmount. Je sais qu'ils sont reproduits depuis ce temps-là à Montréal, mais moi, c'est la fois que je les ai vus. Puis c'est le genre, un peu le même genre d'expérience. Ouais, ils font dans le drone puis pas Tania, mettons. Mais juste l'esprit que tu te sens complètement ailleurs dans un spectacle, complètement... juste comme, ouais, ailleurs, transporté, c'est vraiment le mot. Et non, on va pas passer du son, mais un peu dans le même esprit aussi, en sa mémoire et comme femme forte, j'avais envie qu'on écoute Au Pan avec la chanson Fleuve. Fleuve, fleuve, fleuve, fleuve. autre artiste tout en émotion qui sait nous transporter au pan avec la chanson Fleuve. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd au spectacle de Tania Tagac. Et voilà la fin, comme je vous dis, c'est sans arrêt. Elle chante du début à la fin. Peut-être qu'il y a eu un cri peut-être de la foule. Je vous dis ça parce que l'applaudissement était gros, mais gros, tu sais, c'était tout le monde est comme bondi de leur siège pour applaudir, puis c'était intense parce que finalement c'était le seul moment où il y avait un rapport entre l'artiste et les spectateurs, parce que tout le long on est partout puis ailleurs puis concentré puis avec elle, puis elle qui se donne sur scène intensément. Alors ouais, des applauds vraiment, mais vraiment généreuses pour, pour toute cette capacité de donner comme ça, sans arrêt sur scène. Puis encore une fois, les applaudissements est bien une preuve d'amour pour les spectateurs à son artiste. Fait que oui, c'était comme le grand moment. Et c'est là qu'on pouvait croire, parce que je crois qu'on met beaucoup en question ces temps-ci la notion de rappel, mais je te dirais un rappel après tout ça, c'est comme ça aurait été bizarre. Hey, on peut-tu avoir un rappel, comme tu veux quoi, un échantillon de 2 minutes, c'est comme ça. Ça aurait été bizarre, mais vraiment bizarre. Et ça a été plutôt une place à des moments vraiment incroyables. Il y avait quelqu'un au deuxième étage qui avait apporté un drapeau du Nunavut. Et quand Tania l'a vu, elle était complètement heureuse, là, elle sautillait. C'est drôle, c'était la candeur du début, on la retrouvait parfaitement là. Elle sautait heureuse, puis elle était comme « merci », puis elle commence à jaser. Ensuite de ça, dans la salle, il y a deux femmes, là, je sais pas trop c'est comment ils ont eu l'attention de la chanteuse, mais parle-parle, jase, puis ils font comme « hey, venez sur scène ». Et c'est deux femmes inuites qui vont affronter Tania, ils vont aussi s'affronter entre elles. Effectivement, Crowd, on a eu vraiment la chance d'assister à un jeu vocal, jeu de gorge. Oh mon Dieu, c'est le moment où je veux pas trahir la bonne expression. Mais oui, jeu de gorge, parce que le chant inuit porte de là. Oui, elle le fait à sa saveur, Tania. Elle le fait de façon scénique, artistique, tandis que c'est une tradition. Et là, on a assisté comme au vrai truc, si on veut. Puis c'était fou, là. Oh mon Dieu, la crowd, elle, c'était pas possible. Vraiment, tout le monde capotait. Déjà, c'était spontané et c'était tellement authentique parce que, ouais, le but, dans le fond, c'est de montrer leur capacité à tenir le plus longtemps leur souffle ou juste de pas rire. Fait que je crois, je sais pas. Je sais, ouais, je pense qu'il y en a une des deux qui a arrêté parce que justement, elle a pouffé de rire, mais c'était. Ah, c'est tellement incroyable comme moment à vivre. Je sais pas si ça y arrive souvent aussi en spectacle que des gens montent sur scène parce que ça avait l'air pas que ça avait pas l'air organisé. C'était pas du tout organisé. Simplement, je sais pas si ça arrive fréquemment qu'elle fait « Hey, montez sur scène, puis on va chanter tous ensemble. » Au point que je pensais même que c'était de sa famille parce qu'ils sont descendus avec elle en coulisses. Tellement, je pense qu'elle était heureuse d'avoir vécu un moment fort. Puis dans la crowd aussi, je vous le dis, ça a été vraiment un espèce de complément au spectacle. T'sais, on trouvait que c'était un moment intense qu'on avait vécu. Mais là, toute espèce de joie de vivre, de partage, il y a quelque chose de vraiment, vraiment beau qui s'est passé, qui a fait comme une espèce de boucle au spectacle et qui faisait que c'est encore plus dur de sortir. Déjà, c'est le genre de show qu'il faut que tu te décantes beaucoup après parce que c'est demandant pour un spectateur aussi d'assister à tout ça. J'imagine pas pour les artistes, mais oui, même pour nous autres, c'est rare que tu fais comme « Yes, on part-tu ça à go après? » Tu sais, non. Fait que ça, on dirait que ça... Ça a amené comme une couche de légèreté sur tout ça. Et sur ça, oui, j'aime beaucoup le chant qu'on pourrait dire diphonique, parce que le gueulage n'est pas simplement les chants traditionnels. Ben oui, je pense entre autres aux chants du death metal, du grindcore et de toutes ces bonnes... de toutes les compagnies et les tralala de ce qui peut apporter la musique metal, et certains diront extrême. Et je pensais justement à la chanteuse de Obsolete Mankind qui a une voix si puissante. Et sur la chanson que je vais vous diffuser, il y a même la chanteuse de Fuck the Facts qui fait une apparition. Alors, je trouvais que c'était aussi deux chanteuses que j'adore, comme Tania, qui savent user de leur belle gorge, devrais-je dire, de leur fausse corde vocale et de leur diaphragme et de tout cet appareil phonatoire que nous avons. Parce qu'il faut se le rappeler, le chant de gorge, ce n'est pas... ça ne sort pas du miracle. C'est plutôt nous qui sommes si conditionnés notre voix par le langage. Tout le monde pourrait le faire, simplement on est déshabitués. Et je trouve ça merveilleux, celles qui en sont toujours bien capables. Alors, Obsolete Mankind sur les ondes de la marge. Cette merveilleuse faculté d'abaisser son larynx pour chanter de la sorte. Vous avez entendu Obsolete Mankind. Je les adore. Oh, vous avez entendu la chanson Si Pléjade sur leur album False Awakening. Et vous écoutez toujours Critique de Crowd qui... oh mon Dieu, je vous le dis, dans la foule, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Es-tu vraiment fini? » Pas qu'on s'attendait à plus, mais être un peu bouleversé par, par oui, autant d'émotions données et reçues. Et c'est... encore une fois, mon Dieu, j'en perdais mes mots tout le long de l'émission parce que c'est un rapport particulier de juste être aussi entier dans sa performance que ça fait toute la job. Pas besoin de dire « Hey, êtes-vous en feu? » On dirait que ça, dans ce temps-là, ces shows-là sont drôlement superficiels, même si je les adore. J'aime bien qu'on m'entertain le crowd et... C'est par, mon Dieu, une drôle de circonstance parce que je vous dis, besoin de décanter. Ouais, je le crois pour ce genre de show-là, c'est intense. Et j'ai plutôt abouti au bord chez Françoise pour... Pour décanter, hein, quoi de mieux qu'un bar de quartier de Hochelaga-Maisonneuve, coin Sainte-Catherine-Valois, pour aller se détendre en Prétania? Ben ouais, ben ouais. J'avoue que c'est peut-être pas ce que... Peut-être que j'aurais pris ça tranquille, je sais pas, boire une tisane, quelque chose. Mais non, non, non, je me suis plutôt rendue chez Françoise, lieu que je n'étais allée qu'une seule fois dans ma vie, il y a 3 ans. Oh, facile, peut-être 4. Et... Ben ouais, bord de quartier qui ne m'avait pas nécessairement hyper marqué, mais je me rappelle qu'il y avait 3 punks qui avaient dansé le gang-gang style. Ah! La fois que j'étais allée! Et oui, j'avais un souvenir un peu cross-punk de Françoise, mais sans faire exprès non plus. Cette fois-ci, je rentre, il n'y en avait pas 3. Il y en avait 30! Il y avait 30 cross-punk chez François. J'étais comme, what? C'est ben un repère de punk. Je comprenais plus rien. Tu sais, bord de quartier, en bon préjugé, on s'attend que ce soit y a un mononcle qui boit une grosse 50. Non, non, non, non, non, non, non! Là. Chez François, ça se passait. Mais musicalement, ce sera pas exactement le cas. C'est à suivre parce que j'avais bien envie d'écouter du punk, à te parler de punk. Je t'ai parlé des ordures ioniques. On va écouter une de leurs chansons de leur nouvel album, Hypochondriaque. Allons-y par là. Les ordures ioniques. Et plein de punk chez Françoise! Qui, je sais pas si c'était vraiment eux autres ou d'autres gens dans le bar qui étaient vraiment bondés. Il y avait beaucoup de monde pour cette soirée de karaoké. Parce que, tu sais, hein, c'est rare, le karaoké chez Françoise, il y en a pas du tout les mercredis, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, en gros, si tu veux chanter, vas-y pas le lundi, le mardi. Et bien bondé, piste de danse qui est, mon Dieu, délimitée avec des petites clôtures de métal. Et j'adore cet endroit. Vraiment, va falloir que j'y retourne. Pas juste parce que, esprit de quartier, c'est authentique, là, c'est beau néon pour le Molson, bien affiché sur le mur. Et c'est, mon Dieu, cette toile de crowd qui danse, mon Dieu, de la peinture authentique, ça, c'est certain. Non, c'est, je vous dirais que c'est surtout pour la sociabilité des gens. C'est assez beau parce qu'il y avait un monsieur à côté de moi qui, pendant que je commande, justement, je me sentais... me sentais sur le party, fait que j'ai commandé des crèmes de menthe parce que je me suis dit, chez Françoise, qu'est-ce qui fit avec Françoise? Françoise, crème de menthe. Et on s'est dit que c'était un excellent choix, bien sous-estimé. Et c'était sans malice et j'ai beaucoup apprécié cette espèce de côté, sociable, mais vive et laissez vivre. Après, la crème de menthe, ben, on est passé à autre chose. Va danser, va chanter. Et j'ai assisté... au plus grand moment de bromance. Ah ouais, je me promets l'anglicisme parce que avec mon partenaire de crowd, ben effectivement, il a une belle barbe. Pas une barbe de hipster, mais une belle barbe quand même. Elle est égale, elle est lisse, elle est uniforme. Je crois que c'est surtout ça le point. Et il y a un gars dans la crowd qui est arrivé devant lui puis il a fait comme « Hey, faut que je te le dise, t'as vraiment une belle barbe. » Puis je trouvais vraiment que c'était... C'est le meilleur pick-up line pour se faire des amis de gars entre gars. Tu sais, hein, t'as bien une belle barbe, comment tu fais? Puis là, ils se donnaient des conseils. Puis moi, je me disais, j'aimerais ça participer, mais j'ai pas de barbe. Fait que j'étais juste en train de me dire que c'était un beau moment masculin et amical. Ouais! Il y avait... c'était sans malice chez Françoise. Tout le monde se jasait facilement. C'était comme... Ah ouais, c'était beau, là! Fait que je vous le suggère. Ouais! Allez chez Françoise et dites-moi s'il y a vraiment toujours des punks qui se pointent là-bas, parce que je suis comme... Ouais, j'avoue, je suis curieuse. Ils étaient nombreux à chanter du Céline. Il y en a une qui a chanté du Céline, puis quand même, elle était pointueuse sur ses choix, parce que c'était une tune que je connaissais pas. Fait que non, on ne tombait pas dans les classiques nécessairement là-bas. Et bonjour à Joanne. Ben oui, serveuse, parce que c'est à suivre. Si la serveuse s'appelle Joanne, et où, Françoise? Peut-être dans la crowd, peut-être jamais là, peut-être qu'elle n'existe pas. Mais elle existe en chanson, ça c'est certain. Alors on va aller écouter Françoise et la chanson Parasol. Sur ce, je m'appelle Jolène Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. Suggestion, tu me ramènes tes critiques de chez Françoise ou n'importe quel autre spectacle ou n'importe quelle salle sur le Facebook de Critique de Cross. Ça va me faire bien plaisir de te lire et je te dis surtout à la semaine prochaine. Bye bye. Capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. AIM Festival, les 14, 15 et 16 juillet. En vedette, AM, Henrik Schwartz, Dennis Ferrer, Lee Foss, Nastia, Simon Patterson, Arctic Moon et plusieurs autres. 3 jours de festivités déjantées. 32 heures de musique non-stop sur 4 stages avec un méga set de camping naturel. Be there au Parc Carillon, aimexperience.com. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. CISM est fier de s'associer à la 21e édition du Festival international de films Fantasia. Du 13 juillet au 2 août, inclusivement, découvrez plus de 160 longs-métrages et de 300 courts-métrages. Dans le cadre du festival, CISM 89.3 FM propose notamment les films suivants. Patty Cake, un film culte en devenir de Jeremy Jasper, racontant l'histoire vivifiante d'une jeune artiste rap au New Jersey. Et la première nord-américaine du film français, Le Serpent aux mille coupures. Un thriller puissant, signé Éric Vallet. Pour des détails sur ces films et toute la programmation, www.fantasiafestival.com. Billets en vente à l'Université Concordia ou sur le réseau Admission. Envie de commencer ton été du bon pied? Ça tombe bien, c'est le grand retour du Festival des bières de Laval du 14 au 16 juillet au Centre de la nature. Cette année, 100 exposants et plus de 300 variétés de bières. Viens rencontrer les brasseurs d'ici. Le Festival des bières de Laval, c'est aussi une programmation musicale qui décoiffe avec Yann Perrault, Sarah Dufault et Dale Richard et Fudge. Achète tes billets dès maintenant et obtiens 30% de rabais sur festivaldesbièresdelaval.com. Sur présentation de billets, obtenez un accès gratuit sur l'ensemble du réseau de la STL. Du 14 au 16 juillet, le Festival des bières de Laval, ça brasse. Diplômé, vos études sont peut-être finies, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSOM. Visitez le cepsom.umontréal.ca pour tous les détails. Inscrivez-vous dès maintenant. CISM présente la série Urban Africa, pop métissé et pop percussif.